Sont réveillés. Freddy Krueger, Jack, les ventres brefs, les méchants qui font peur se sont tous donné rendez-vous. Pour une dernière frayeur, l'odeur du sang les appelle. Voici messieurs, mesdames, mesdemoiselles, la ritournelle des morts vivants. Celui d'un rôdeur, sûrement celui du croque-mitaine qui a mauvais haleine. Ha ha ha.